En 1975 et 1982, Manuel Perianez, psychanalyste, développait des thèses qu'il tente actuellement de dépasser. Selon lui, dans une société à transformation sociale rapide, il se pourrait que les significations sonores n'aient plus du tout le temps de se stabiliser dans des consensus signifiants. Il y voit deux raisons. La société crée sans cesse de nouveaux bruits, elle crée aussi de nouvelles modalités des anciens bruits. Cet ensemble, d'une complexité sonore considérable, il l'analyse sur le plan anthropologique à travers l'étude de la littérature et des mythologies. Manuel Perianez. Si on prend le mythe, il se passe des choses considérables au plan de la signification des bruits, parce qu'il a beaucoup été quand même écrit sur le recueil taxonomique, la taxonomie de tout ce qui existe comme corpus mondial de toute la mythologie. J'ai trouvé comme ça un auteur américain qui, en 6 volumes à peine, a dressé un index général de tout ce qui est mythes, légendes, proverbes, contes, etc., etc., dans toutes les civilisations et toutes les cultures. Alors, si on prend là-dedans la rubrique Noise, eh bien, il n'y a peut-être qu'une douzaine de mythes où il y a du bruit. J'ai regardé chez Durand, chez Mircea Eliade, et puis chez Lévi-Strauss. Et là, j'ai retrouvé un peu partout le même phénomène, à savoir qu'il y a de très vastes corpus de mythes abordant tout ce que vous savez, mais le bruit dans le mythe, ça, c'est vraiment une lacune, il n'y en a pas. Alors, en tout cas, chez Steve Thames, on trouve un petit groupe de mythes qui concernent le tabou de faire du bruit pendant le voyage vers l'autre monde, chez les Esquimaux, donc tout ce qui concerne la mort. Il y a le bruit qui prévient de l'approche de la mort, par exemple en Écosse et au Pays de Galles. Ensuite, le reste de ce qu'il cite est un peu hétéroclite. Alors j'ai donc été voir chez Lévi-Strauss, voir si tout ça se confirmait un peu avec une approche structurale, et j'ai eu la très bonne surprise de découvrir que Lévi-Strauss, lui, il parle beaucoup du bruit. Et là, tout de suite, on est frappé par le fait que le bruit n'est pas du tout nécessaire aux origines du monde et des choses. Il y a dans tout le corpus des mythes d'origine qui installent le cosmos, eh bien, il y a tout ce que vous voudrez, sauf le bruit. De même, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de mythe d'origine, des éléments essentiels comme l'eau, le feu, le ciel, etc. Tout ça n'a pas besoin d'être créé. On dirait que c'est donné d'emblée. Et ça peut renvoyer, si j'ose interpréter, à ce qui existe d'emblée, parce que la mer existe d'emblée. Alors, Lévi-Strauss et les bruits dans les mythes, lui, il ne les amalgame jamais, mais il les relie, justement selon leur signification, à diverses formations mythiques. Ça se passe pour lui comme s'il n'y avait pas un monde sonore global, mais des équivalences entre quelques bruits privilégiés et puis d'autres catégories de ce qu'il appelle des mythèmes. Une de ces équivalences, c'est l'équivalence très forte qu'il établit entre le vacarme et la puanteur. Et puis, il s'interroge, ayant pris conscience de l'importance du bruit dans son œuvre, si on demandait ex abrupto à un ethnologue quelles sont les circonstances où le bruit désordonné est prescrit par la coutume, il y a gros à parier qu'il en citerait immédiatement deux, le charivari de la tradition européenne et le vacarme auquel un nombre considérable de sociétés dites primitives et aussi civilisées se livrent ou se livraient à l'occasion des éclipses de soleil ou de lune. Il poursuit en expliquant que le charivari est lié à la réprobation sociale de l'inceste, bien sûr, parce que c'est sa thèse centrale, et que le vacarme est provoqué pour faire fuir l'animal qui est en train de dévorer le soleil ou la lune pendant les éclipses. Mais il quitte ça pour établir que la signification de ce qu'il appelle le bruit primitif serait celle d'une protestation contre des événements transgressifs, comme donc des adultères, des mariages plus ou moins compliqués parce que pas faits comme il faut dans les coutumes de la tribu, etc., etc. Et alors il explique donc comment ces événements connotés de transgression ont été, leur signification, leur charge affective ou leur puissance s'est érodée dans le courant du processus de civilisation, jusqu'à maintenant ne plus du tout avoir le pouvoir très concret qu'ils avaient dans les sociétés dites primitives, ces sociétés où, dit-il, le ciel réagit au bruit comme si c'était une offense personnelle. Il faut bien voir donc que le problème du bruit dans la société primitive peut être constituer une gêne infiniment pire que dans les nôtres. Donc, le bruit dans la mythologie se présenterait comme le signe certain du caractère extraordinaire de la source de ce bruit ou de l'événement qui préside à la survenue de ce bruit. Je retiens cette idée et, fidèle à Georges Devereux et à sa méthode dite complémentariste, je passe à tout à fait autre chose et je vais chercher quelqu'un qui a livré son témoignage sur le monde sonore parce qu'il était plongé à 23 ans dans la Première Guerre mondiale en tant que combattant de première ligne et qui a écrit un chef-d'œuvre. Et c'est l'écrivain allemand Ernst Junger qui a écrit Orage d'acier, qui est son journal de guerre à peine remanié, écrit dans les tranchées chaque soir, et dans lequel, page après page, on voit l'habituation d'un être humain plongé dans des intensités sonores, là pour le coup tout à fait pathologiques, de l'ordre de, je ne sais pas, de 100, de 120 décibels par moment. Et ce qu'on voit en lisant son livre, c'est l'extraordinaire habituation au bruit. Et là, il a réussi à non seulement supporter ce bruit, mais à l'utiliser positivement au bout d'un certain temps. Alors c'est ça qui m'intéresse chez lui. Ce n'est pas du tout quand il se plaint donc des bombardements épouvantables, mais au contraire quand il fait attention à des tout petits bruits légers, comme par exemple en écrivant « Par instant, une balle perdue passe avec un chantonnement frais et léger pour s'égarer au loin ». Et ça, ça traduit quand même, d'une part, évidemment, le plaisir d'avoir échappé à la balle en question. C'est bien parce que c'est une balle perdue qu'il peut être dans la jouissance esthétique de ce micro-événement. Mais ça traduit aussi une certaine maîtrise de cet environnement sonore épouvantable qui, quand même, est tout à fait digne d'intérêt. Et je dirais que là, il accomplit une première étape dans le traitement de ce monde sonore extrêmement stressant. Il en accomplit une deuxième, il me semble. Quand on se met à échanger ses fantasmes avec ceux des autres, ou ses projections avec ceux des autres, pour savoir si elles correspondent, et si on est vraiment dans l'individuel, ou s'il y a un peu de collectif là-dedans, il me semble qu'on est dans ce travail d'élucidation. Il accomplit ce travail en échangeant avec les camarades. Il est très surpris de voir que les artilleurs ont très peur des balles des fantassins, et inversement, il en déduit que c'est toujours la même histoire. Les dangers de notre métier nous paraissent plus compréhensibles et partant moins redoutables. Donc lui aussi est en train de faire une enquête sur le bruit, en somme, là-dedans, et d'essayer d'acquérir quelques repères personnels par rapport au chaos ambiant. Il y aura une troisième étape. Quand il subira ce qu'il appelle lui-même son baptême du feu, on est étonné qu'il y survive. Et puis, secondairement, on est étonné de voir que la mention des bruits disparaît du récit et que tout devient visuel. En passant, on verra des choses bien bizarres dans ce qu'il est capable d'accomplir à l'écoute du bruit et qui me font retrouver ce que vers 1980 ou 82, j'avais proposé d'appeler le paysage sonore intérieur. Par exemple, Junger, à un moment donné, il se plaint qu'il y a les Anglais, ils trichent quoi, les Anglais, ils tirent des mines d'un type épouvantable parce qu'elles ne font pas de bruit. Donc, elles ne sont pas repérables avec tous les mécanismes qu'il avait appris à utiliser. Donc il y a un renversement des valeurs et c'est au contraire le silence et les procédés déshonnêtes de combats silencieux ou relativement silencieux qui là vont créer de la gêne. Je vais arrêter avec Junger pour vous montrer encore autre chose en remontant 3000 ans en arrière et en prenant l'Iliade au champ 5 où il y a des combats pour voir là si l'unité psychique fondamentale de l'être humain est vraiment valable, et si on retrouve quelque chose des mêmes mécanismes d'utilisation du bruit entre le témoin Junger et Homère, qui, par son découpage personnel dans la saga fondatrice grecque, a fait œuvre aussi de mythologue. Enfin, j'écrirai un jour tout ça bien comme il faut. Ce qu'on trouve chez Homère, eh bien, d'abord, on est très surpris parce qu'avec tout le cliquetis d'armes dont Homère pourrait faire étalage, il n'en fait absolument rien. Les combats homériques sont silencieux. Par contre, de temps en temps, il y en a un qui est tué, ce qui arrive quand même à la guerre, même à l'époque. Et quand c'est scandaleux, le fait qu'un jeune homme en pleine santé soit tué, un jeune héros grec, le jeune héros grec s'abat dans la poussière et Homère s'en scandalise. Et là, il dit toujours la même petite phrase rituelle, il dit « et ses armes sonnent sur lui ». Et ça revient comme un leitmotiv à chaque fois qu'il trouve que c'est vraiment scandaleux qu'un de ces splendides jeunes gens soit tué à la guerre. Eh bien, il y a un truc qui me paraît assez important là-dedans, c'est qu'on voit dans le lien, qui est sans doute très fécond, du visuel et de l'auditif. Parce que je crois que la bonne piste pour arriver à des résultats dans ce domaine, c'est de ne pas se spécialiser dans un seul des sens, mais de traiter le problème à la fois de façon synthétique, anthropologique, au niveau de l'abord scientifique, si on veut, mais surtout de ne pas non plus se limiter au niveau d'un seul canal de perception, mais de voir justement les points de passage et les interfaces. Et là, quand, généralement, on On entend quelque chose. Eh bien, parfois, on regarde généralement l'entendu. Mais l'inverse existe tout à fait aussi. C'est que parfois, on voit des choses, mais là, on n'en croit pas ses yeux tant que on n'a pas entendu le son que ça va faire. Et parfois, il y en va sur la cheminée et on voit qu'il va tomber. Et puis oui, effectivement, ça bascule, ça tombe, ça se casse par terre. Eh bien, on n'en croit pas ses yeux jusqu'à ce qu'on ait entendu le son et l'extinction de la dernière réfraction, du dernier éclat de l'objet pression en question. C'est à ce moment-là, quand ça s'est éteint, que l'on consent à cette nouvelle existence sans vase, en quelque sorte, et à accepter la réalité de cette chose. Alors, je suis un peu dérisoire de vous parler de vase cassé après la guerre de 14-18, mais c'était juste pour pointer le renversement de l'ordre entre le vu et l'entendu, qui est tout à fait possible dans certains cas.